I was in New York City a few months ago. The garbage and the trash men were on strike. I'm telling about the man who cleaned up the city. Trying to do worse. They were trying to get a little more money. Get a little raise of pay. But at that particular time, the city was broke. But rich. You will ever hear. My name is Nat. My name is Mark. My name is Ted. Mine is the last voice that you will ever hear. Voilà un petit medley comme ils savent nous le faire là-bas aux États-Unis. Un medley qui comprend donc tous les tubes du moment. Depuis Lion jusqu'à Ghostbusters, jusqu'à Funky Ghost to Hollywood. Ce medley s'intitule The Foot et si on traduit, mais ça veut dire le pied. Bah voilà. Vous avez tout compris, hein. 18h46 minutes sur Énergie en continu avec un superbe snow de Kenny Rogers et Dolly Parton. Dites, quand vous trouvez mon appartement? Il est chaud. Et ce soir, il sera chaud. Il sera encore plus chaud. Il sera chaud partout même. Dolly Parton, Kenny Rogers, Christmas Without You. The pages of memories of time spent with you. Thank you. Christmas without you, hein, Noël sans vous, eh bien je ne sais pas ce qu'on ferait sans vous. Hein. Encore une fois, bonne année, un petit peu en avance parce que je ne serai pas là à minuit. Un petit peu avant l'heure, c'est la fête sur Énergie, hein. C'est tout à fait normal. Je ne sais pas si on se verra ce soir à minuit. Je l'espère de tout mon cœur. Bisous sur bisous. Partout, partout, partout, partout. Hein ? Allez mon petit Gilbert, on dansera sur toi ce soir. Sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille, à l'heure d'été c'est facile. Prends-moi la main, viens danser. J'ai du soleil sur la peau, j'ai dans le cœur un bongo, j'ai dans la tête un oiseau. Bonne année pour Gilbert Montagnier, espérons. Mighty music, light me up tonight. I can feel the good times coming on. Out on the street, the beat is burning bright. And every fantasy is filled inside a song. Inhibitions slowly slip away. The look inside your eyes can say it all. Fight the magic of a night like this. Got to get on up, give in to love. It's easy when you fall, because there's one more rhythm to start you dreaming. There's one more groove you can try. Got to keep on dancing till morning light, because there's one more rhythm to ride. When I hold your body close to me, I know it's more than just the light we're gonna share. Shining figures dancing in a dream, a boogie ballet bathing candlelight. Ooh, this is a moment only love can see. Gotta take a chance on this romance and never say goodnight, 'cause there's no rhythm Dans une trentaine de secondes, il sera à 19h sur Énergie. We'll be right back. Roberto Novella. Aïe, aïe, aïe. Like Ladies, Temptation, juste avant Julian Lennon va voter à 19h16, George Michael revient fort bien, 720, c'est Star Match, la fille au badinon, et bien toutes les filles vont les mettre ce soir, hein, parce que c'est quand même le réveillon du jour de l'an. Cunien Claire. La fille au Banilon. Ah, soyez belles ce soir, mesdames. Soyez belles ce soir, mesdemoiselles. C'est quand même le dernier jour de l'année. Il faut en profiter. Il faut faire ce que nous n'avons pas pu faire tout le long de cette année. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Merci à Julien Clerc, fille au Badillon.